Bonsoir. Dans Autant d'emporte l'histoire aujourd'hui, Camus, Cazares, 1944, prélude à l'amour. Le 30 décembre 1959, du sud de la France, Albert écrivait à Maria restée à Paris. Dernière lettre, je téléphonerai à mon arrivée, mais on pourrait convenir déjà de dîner ensemble mardi, disons, en principe, pour faire la part des hasards de la route. Une lettre aux accents prophétiques, puisque 5 jours plus tard, Albert Camus trouvait la mort à 46 ans dans un accident de voiture. Leur histoire, mélange d'amour sensuel et de complicité artistique, avait débuté 15 ans plus tôt, en 1944 à Paris, époque dangereuse de l'occupation, époque paradoxale aussi, où à côté des déportations de juifs et de résistants, il y a des écrivains pour écrire des pièces, des théâtres pour les monter et des comédiens pour les jouer. Albert Camus, le futur prix Nobel, n'est encore qu'un jeune écrivain prometteur, à peine débarqué de son Alger natal. Elle, Maria Cazares, n'a que 21 ans, mais tous voient déjà en elle la future tragédienne, incandescente et moderne. Ils se rencontrent un soir au printemps 1944. Ils sont beaux, seuls ou à peu près, exilés tous les deux, c'est la guerre. Il est urgent de s'aimer et de vivre. France Inter, Stéphanie Duncan. Autant en emporte l'histoire. Alban Cerisier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur des fonds patrimoniaux aux éditions Gallimard et grand connaisseur d'Albert Camus. Son histoire d'amour avec Maria Cazares, elle était connue depuis longtemps, mais elle est revenue dans la lumière et dans l'actualité avec la parution de leur correspondance en novembre dernier. Albert Camus est mort en 60, Maria Cazares lui a survécu longtemps puisqu'elle est décédée en 1996. Ce sont des lettres privées, intimes, et pourtant, cette publication a été un vrai événement littéraire. Oui, c'est vrai, elle a connu un grand succès du reste, puisque nous avons à aujourd'hui dépassé les quelques 45 000 exemplaires. Donc c'est pour une correspondance, c'est très très atypique. Hein. Vous savez, normalement, les correspondances littéraires, c'est autour de 1 000 ou 2 000 exemplaires à tout casser. Donc là, il y a de l'amour. Il y a de l'amour et puis il y a un destin. Ouais, le destin d'un amour. C'est deux personnages assez fascinants. Tout à fait fascinants, très chers aux Français en réalité, qui font partie un peu de notre mémoire collective. Donc forcément, cette correspondance a une valeur toute particulière. Et puis surtout, les deux épistoliers se sont beaucoup donnés dans cette correspondance, l'un à l'autre. Enfin, je veux dire, c'est une correspondance où l'amour, sa formulation, sa désignation, son effort, la souffrance qui y est liée, eh bien, pèse de beaucoup de mots. On a besoin de se dire l'amour à cette époque-là, peut-être encore aujourd'hui, du reste. Oui, on aime lire ses lettres aussi. Oui. Alors, quand on parle de Camus, on évoque le plus souvent l'écrivain à succès de l'après-guerre, l'auteur de La Peste, le philosophe de la révolte, celui qui croise le fer avec Sartre aussi, oui, au sujet de la guerre d'Algérie ou du totalitarisme, l'homme issu du peuple aussi, hein, qui, lorsqu'il reçoit le prix Nobel de littérature, rend hommage à son ancien instituteur, Louis Germain. Il y a un Albert Camus dont on parle moins, c'est celui de la guerre, pendant la Seconde Guerre mondiale. Qui est-il en 1944 quand il va rencontrer Maria Cazares? Alors Albert Camus, en 1944, est un jeune lecteur du comité de lecture des éditions Gallimard. Voilà, il a été Choisi en 1942-43 par Gaston Gallimard pour effectivement rejoindre son comité de lecture. Et il est surtout un romancier, avec un passé de journaliste et de chroniqueur littéraire à Alger, bien entendu. Et il est donc l'auteur d'un premier roman qui a quand même fait l'événement à l'époque, qui est L'étranger, qui est publié en juin 1942. Et donc c'est un romancier en vue, totalement intégré dans la vie littéraire parisienne. Il s'y était beaucoup intéressé lorsqu'il était à Alger, comme critique littéraire. Il avait critiqué notamment les textes de Sartre ou de Malraux. Il les avait également adaptés pour le théâtre. Oui, voilà. Il avait fait du théâtre déjà à Alger. À Alger, dans le cadre du théâtre du travail. Théâtre, voilà. Bon. Mais c'était encore des petits essais. Et donc là, il arrive à Paris, il est tout de suite dans le bain, repéré par Malraux, hein, par Ponge. Enfin voilà, il a déjà des amitiés très fortes, Martin Dugard, etc. Et donc, ce jeune homme, voilà, va commencer à se construire, notamment une carrière dans le théâtre. Il a un grand projet littéraire, voilà, et notamment la question de l'absurde, qui est très très important. Il a écrit le mythe de Sisyphe. Il y a le mythe de Sisyphe, bien entendu, qui a été publié, voilà, concomitamment avec L'étranger. Et puis il y a ce théâtre-là, le volet théâtral du mythe de l'absurde, et avec notamment le malentendu, qui sera la première pièce sur laquelle ensemble ils travailleront avec Maria. Et donc Maria Cazares, qui est-elle? Elle a 21 ans, 1944. Oui, elle a 21 ans. Elle sort du conservatoire. Hein, donc elle a déjà une formation de tragédienne. Ouais, puis il faut dire qu'elle est arrivée en France seulement en 1936. En 36, c'est incroyable, son père a été en fait le chef de gouvernement de la Seconde République espagnole, juste avant finalement l'arrivée de Franco, et donc l'intervention militaire en Espagne. Et puis donc elle a été évidemment contrainte de s'exiler à Paris. Et mais très très vite, enfin je veux dire, cette jeune femme a mené, après avoir continué ses études, a mené sa formation de femme de théâtre, d'actrice, dans le cadre du conservatoire, et a été repérée très tôt par des hommes de théâtre pour lui donner son premier rôle en 42 avec Dèdre des douleurs, où Camus d'ailleurs l'avait rajouté. Pièce de Singe, voilà. Ouais. Voilà, et au cinéma avec Marcel Carné, Les Enfants du Paradis, voilà, et puis et Dame du Bois de Boulogne. Voilà, et puis plus tard La Chartreuse de Parme. Enfin, c'est une star en fait. Et tous les deux, ils ont en commun peut-être l'exil. Oui, c'est très important pour Camus. Alors Camus se trouve d'une certaine façon exilé des siens à cette époque-là, puisqu'il est séparé de son épouse, Francine, puisqu'il est marié. Donc son épouse est contrainte et coincée à Alger, bien entendu. Lui est en France et donc à bientôt à Paris. Et donc voilà, donc cette question de l'exil est très très très importante. Alban Cerisier, je propose que nous nous retrouvions, si vous êtes d'accord, dans environ 30 minutes. Tout de suite, Camus, Cazares, 1944, Prélude à l'amour, un texte de Jean-Benoît Patry, écrit spécialement pour Autant en emporte l'histoire. Réalisation Sophie Haute-Picon. Je t'aime. Et toi, m'aimes-tu? Plus que tout, tu es mon âme sœur, ma nomade, ma lumière. Renoncer à toi me tuera. Alors, je t'aimerai le temps que durera cette guerre. Et le jour de la victoire tant attendue, notre histoire sera finie. L'idylle entre Albert Camus et Maria Cazares a débuté au printemps 1944. Une époque charnière, fiévreuse. Les Français sont à bout. On parle d'un possible débarquement allié, mais rien n'est sûr. Et l'occupant allemand, soutenu par la milice, ne lâche pas la pression. Au contraire. À Paris, qui est devenue la capitale de la résistance, les arrestations et les exécutions se multiplient, ainsi que les déportations de juifs et de résistants. Et pourtant, la vie intellectuelle et artistique n'a pas cessé. Un monde paradoxal où se côtoient pseudo-résistants, vrais collabos, ceux qui se débrouillent et les rares qui s'engagent réellement contre l'occupant. C'est le 19 mars 1944 que Maria Cazares croise pour la première fois Albert Camus. Elle est invitée à assister à une lecture dans un appartement qu'est Voltaire. Quelle Volière! Ça parle haut, ça caquette, ça virevolte. Une vraie réunion mondaine. C'est pourtant une lecture à la mémoire d'un poète mort dans un camp. Mais bon, on se bat avec les armes que l'on a. Dans l'appartement de l'écrivain ethnologue Michel Léris, toute l'intelligentsia parisienne est réunie pour la lecture du Désir attrapé par la queue, un drame surréaliste écrit en 4 jours par Pablo Picasso. Albert Camus, qui vit à Paris depuis presque un an, dirige la troupe d'amateurs composée de Picasso, sa compagne Dora Maar, Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir. La pièce est lue sous le portrait du poète Max Jacob, qui vient de mourir au camp de Drancy. Il serait temps de commencer. À cause du couvre-feu. Ah, voilà un type qui se lève avec un brigadier. Bonjour. Alors, merci à tous d'être venus. Ces moments de liberté sont si rares, il faut savoir en profiter. Je voudrais tout d'abord vous présenter les différents personnages. Devant cette fenêtre, de gauche à droite, vous avez... le gros pied, la cousine, les deux toutous, l'angoisse grasse et l'angoisse maigre, puis l'oignon et... Le seul qui paraît un peu professionnel, comme un astre. C'est cet homme qui a frappé les trois coups. Sur une perle. Son pantalon. Il a déjà fait de la scène, celui-là. Parfum d'Arabie. Les huîtres de cette façon nette de donner des indications sans queue ni tête, parole de ses regards... Et la couleur rayonnée qui l'encercle répand une si douce lumière sur sa poitrine que le chant des oiseaux qu'on entend s'y colle comme un poulpe au mât du brigantin qui, dans les remous de mon sang, navigue à son image. Deux toutous, criant leurs aboiements, lèchent tout le monde couvert de mousse de savon, sautent hors de la baignoire Et les baigneurs, habillés comme tout le monde à l'époque, sortent de la baignoire. Seule la tarte sort toute nue, mais avec des bas. Je n'y comprends rien. Je préférerais l'entendre dans un autre registre. Des bouteilles de vin, des nappes, des serviettes, des couteaux, des fourchettes. J'ai l'impression qu'il n'aurait aucun mal à entrer dans le personnage. Un grand déjeuner sur l'herbe. Soyons honnêtes, si j'ai envie de le connaître, ce n'est pas que pour le voir jouer. Les clous et les emporte. C'est fini. Enfin. Le ciel me préserve de jouer un jour un texte pareil. Essayons de rejoindre le bel inconnu. Oh non, la bande de Picasso me fait signe. La barbe, je préférerais aller retrouver. Mais où est mon Don Juan? Où est-il? Un mois plus tard, le directeur du théâtre des Mathurins propose à Maria Cazares un rôle dans Le Malentendu, une pièce écrite par un jeune auteur qu'il aime bien, Albert Camus. Le texte a été validé par la censure allemande. Début juin 1944, une première rencontre entre l'auteur et les comédiens est organisée au théâtre. Tout le monde s'installe autour d'une grande table posée au centre de la scène. La salle est dans le noir, seule la rampe est allumée. Camus se sent à l'aise dans cette atmosphère. En Algérie, il a beaucoup joué, beaucoup mis en scène, mais cette fois-ci, l'enjeu est différent. C'est la première fois qu'on donne l'un de ses textes. Si je croyais au signe, la présence de cette jeune comédienne en serait un. Comment s'appelle-t-elle déjà? Ah oui, Cazares, Maria. Il y a un an, je venais la voir jouer dans ce théâtre, et voici qu'aujourd'hui, c'est à son tour de m'écouter. Mais je ne crois pas au signe. Pourvu que je ne me mette pas à tousser. Maudite tuberculose. Bien, bonjour. Merci de m'accueillir parmi vous. Je suis très fier que ma pièce soit jouée ici, dans ce beau théâtre, par de talentueux comédiens. Merci. Alors, je le sais, ce sera compliqué. Nous aurons des coupures d'électricité, des alertes, des contrôles. Nos vies sont difficiles. Ah, et vous le savez, l'ancien régisseur a été envoyé au STO. Ah bon ? Eh oui. Mais nous ferons de notre mieux. Voici, en quelques mots, l'intrigue du malentendu. Un homme revient dans l'auberge familiale après des années d'exil. Il ne dit pas à sa mère et à sa sœur qui il est. Elles ne le reconnaissent pas. Sa sœur le tue pour le détrousser et financer ses rêves de départ vers des contrées plus accueillantes. J'avais raison. Quand la femme de cet homme... C'est bien Maria, Camus que j'ai vu chez Léris. Quand cette femme donc vient dans quel étrange est-elle nommée? Maria! La mère, quelle formidable présence et en même temps une sensation d'isolement et d'étrangeté. Jamais je ne me suis senti aussi chamboulé. On pourra voir dans cette histoire une forme de suicide, mais ce texte ne prône pas la soumission à la fatalité. Pardon, ce que je veux dire, c'est que si l'homme veut être reconnu, il doit simplement dire qui il est. S'il se tait, il meurt seul et tout autour de lui est voué au malheur. S'il dit vrai, au contraire, il mourra sans doute, mais après avoir aidé les autres et lui-même à vivre. Toi, tu pourrais m'aider à vivre. Je reconnais enfin ce qui me touche. Oui, je veux bien, Paul. Je retrouve cette vulnérabilité doublée de force que donne l'exil. Merci. Tu vois, nous sommes du même bois. Un autre ? Ah non, non, merci, ça va. Ça va beaucoup mieux. Ce petit prologue m'a épuisé. C'est à cause d'elle. Elle me brûle de ses regards. Je suis désolé, je vais arrêter ici. De toute façon, je pense que vous avez tous lu le texte. Oui. Prenons le temps d'une cigarette. Monsieur Camus, je peux vous en demander une? Mais bien sûr. Merci pour la cigarette. Oh, ce n'est rien. Je devrais pas fumer, mais... Dites-moi, vous pourriez m'expliquer ce que vous venez de faire? Moi? Oui, vous. Au début de cette rencontre, vous étiez un oiseau et vous vous êtes transformé en serpent. Vous cherchiez à m'intimider. J'en ai perdu mes moyens. C'est me prêter beaucoup de pouvoir. Vraiment. Pas de provocation de votre part dans votre attention si intense. Si elle vous a troublé, j'en suis désolée. Ce serait vraiment une belle connerie que de vouloir intimider un auteur que l'on admire. Ce n'est peut-être pas l'auteur que vous avez voulu défier. Si tel était le cas, qu'est-ce que l'homme me répondrait ? Qu'il est marié. Que sa femme est bloquée à Oran par cette guerre. Depuis quand ne l'a-t-il pas vue ? Plus de 2 ans. 2 ans. C'est long pour un homme. Puisque les lendemains sont incertains, n'aurait-il pas droit à une parenthèse ? Une parenthèse ? Un amour qui durerait le temps de la guerre, après il retrouverait sa femme. Qui serait assez fou pour accepter un tel contrat ? Moi. Au théâtre des Mathurins, les répétitions ont débuté. À l'extérieur, il faut tenter de se soustraire au service du travail obligatoire, réussir à s'approvisionner. Autour de la capitale, les Alliés bombardent des usines et des nœuds ferroviaires. Cela laisse présager qu'une action d'envergure se prépare. Le 5 juin 1944, à 21h15, la BBC lance, comme chaque soir sur les ondes, des messages à la résistance. Ici Londres. Les Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Les sanglots longs des violons de l'automne. Je répète, les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blessent mon cœur d'une langueur monotone. Cazares et Camus n'entendent pas ce message sibyllin. Ils ont passé la nuit à une fiesta organisée par Sartre et Beauvoir. Au petit matin, le couple se tient enlacé en haut de la rue des Martyrs. Derrière eux, les pointes du Sacré-Cœur. Devant eux, une vue plongeante sur Paris encore assoupie. Sa bicyclette à côté de lui, Camus se remplit un verre avec le fond d'une bouteille qu'il a emportée. Hé, moi aussi je veux un verre de vin. Mais combien en as-tu bu ? Autant que toi. Je réclame l'égalité homme-femme en tout, même en alcool. Même en conquête ? Surtout en conquête. De nous deux ne crois pas être le plus grand Don Juan. Alors partage avec moi. Oh, c'est du verre blanc. Il faut faire un vœu. Je ne m'y risque jamais. Il n'y a vraiment rien que tu voudrais voir se réaliser ? Mis à part la fin de la guerre ? Oui. Alors je déroge à ma règle. Je fais un vœu, le même que toi. Mais qu'est-ce que tu sais de mon... Tes yeux brillent et tes baisers ce soir m'ont mis sur la piste. Alors tu le veux aussi ? À 7 minutes, plus que tout au monde. Viens, allons chez moi. Avec ta mère ? Tu as raison, allons chez toi. Mais d'abord, il faudra que tu réussisses à monter sur le guidon de mon vélo. Ce n'est pas gagné. Attention, oh. Attention, tu vas tomber. Oh, trop de vin, nuit à l'équilibre, il faudra me le rappeler à la prochaine fiesta. Je vais y arriver. Voilà, ne bouge plus. Tu es sûr que ça ira ? Mais oui, tu es bien installé ? Il y a plus confortable. Penche-toi que je me tienne à toi. Allons-y. Hé, hey, attention, le bord du trottoir. Oula, ça tangue. C'est la route qui devient toute molle ou quoi ? La route est très bien. C'est toi qui... Doucement, tu vas trop vite. C'est que j'ai hâte d'arriver. Si tu continues d'aller aussi vite, on va se casser la figure. Et ce n'est pas dans ton lit que l'on se retrouvera, mais à l'hôpital. Non. Alors, c'est la bicyclette qui a trop bu. Elle zigzague tellement que j'en ai la tête qui tourne. Elle cherche la Seine pour s'y plonger. Ce serait bête de mourir avant d'avoir été amant. En effet, ça aurait été très bête de mourir à vélo. Ne bouge pas. Je suis si bien là. Il faut que j'aille travailler. Tu ne vas chez Gallimard qu'en fin d'après-midi d'habitude. J'ai d'autres choses à régler avant. Je peux venir avec toi ? Non. Pardon, je ne voulais pas être si... Je ne peux pas. Une autre femme ? Mais non, mon unique. Alors quoi ? Ne me pose pas de questions. Je ne veux pas être obligé de te mentir. Tu ne dois rien me cacher. On s'est reconnus. Une reconnaissance instinctive l'un de l'autre au premier coup. Ne gâche pas cette chance. C'est que... Oui, c'est moi. Oui, je suis bien Albert Batté. Oh. Quand? Ce matin même? Oh bon sang, on en est sûr. C'est confirmé? Il faut que je prévienne les autres. On se retrouve à l'endroit habituel. Oui, un numéro spécial au plus vite. Merci. Bonne nouvelle? Les Alliés. Ils ont débarqué ce matin en Normandie. Non. La BBC l'a annoncé à certains réseaux hier soir. Pourvu qu'ils réussissent à franchir les lignes allemandes. Il paraît que c'est un débarquement très important. Tu vois, tu aurais pu faire deux vœux tout à l'heure. La fin de la guerre et moi. La guerre n'est pas finie. Si les Alliés progressent, les Allemands vont devenir encore plus dangereux. Mais viens là. Dis donc. Oui. Qui est cet Albert Maté que j'embrasse? C'est... Un nom de résistant? Peut-être. Raconte-moi. Depuis l'automne 1943, Albert Camus vit dans un meublé, rue de la Chaise. À côté de son emploi chez Gallimard, qui lui assure une certaine sécurité financière, il collabore au journal clandestin Combat, porte-parole des mouvements unis de la résistance. Il assure le secrétariat de rédaction et rédige quelques articles. Le journal a pour devise « Dans la guerre comme dans la paix, le dernier mot est à ceux qui ne se rendent jamais ». Combat a un seul chef, De Gaulle. Un seul combat, celui pour la liberté. Parfois, une quinzaine de vélos s'entassent devant l'entrée de la loge de concierge où se tiennent les réunions, rue de Lisbonne, une rue tranquille du 8e arrondissement. Mais il faut être prudent. Les nazis recherchent activement les imprimeries clandestines et les auteurs des articles. Depuis novembre, 4 collaborateurs de combat ont été arrêtés et déportés. Je vais marcher jusqu'au théâtre pour me donner un peu d'allant. Je me sens si sombre. Il faut penser mouvement, ne pas ruminer. Écrire pour contribuer à l'action de la résistance. Mon stylo est ma seule épée. Écrire malgré la peur et le doute. Plus de traces en moi du pacifiste que j'étais. Les nazis, pas les Allemands, les nazis l'ont tué. Comment continuer à croire en l'homme? Je dois être à présent dans un engagement total, peu importe le danger. Le courage n'est rien. La seule chose qui compte, c'est d'apporter une assistance fraternelle. Maria? Maria, je suis là. Albert, j'aime quand tu as le temps de venir me chercher. On rentre à pied ou en métro? Le métro, ce n'est pas... Enfin, tu comprends, difficile de s'en échapper si... Tu as raison, les Allemands sont si nerveux. Attends, regarde-moi. Tu as une mine effrayante. Je viens d'apprendre qu'un de nos imprimeurs a préféré se suicider plutôt qu'être pris. Il a été dénoncé? Sans doute. Difficile de faire sortir discrètement des liasses de journaux. On a beau prendre des précautions... Tu ne devrais pas te cacher. Nous discuterons de tout ça à l'abri des oreilles indiscrètes. Dis-moi plutôt comment se sont passées tes répétitions aujourd'hui. Bien. J'ai l'impression que tu as écrit le personnage de Martha pour moi. J'adore le travailler, mais je suis épuisée. Je n'ai pas eu le temps de dormir entre le tournage nocturne des Dames du Bois de Boulogne et la répétition. Tu vis à un rythme infernal. C'est toi qui me dis ça. Mais qu'est-ce que... Une rafle. Viens, on fait demi-tour. Impossible. Regarde, ils ont bloqué l'autre côté de la rue. Merde. Merde, ils fouillent. Et alors, nos papiers sont en règle. Viens, il ne faut pas leur montrer que l'on s'inquiète, sinon ils penseront qu'on a... Non, non, on ne bouge pas. Ça va paraître suspect de rester au milieu de la rue. S'ils me fouillent, je suis perdu. Pourquoi? J'ai la maquette dans la poche. Quoi? La maquette de l'entête de combat avec la croix de Lorraine, je l'ai dans la poche. Jette-la. Ils nous observent, impossible. Pas de panique, regarde, ils ne fouillent que les hommes. Les femmes se font simplement contrôler. Elle est dans quelle poche? La gauche. Embrasse-moi. Tu crois que c'est le même? Tu l'as? Oui. place avant moi et continue ton chemin. D'accord. C'est le moment de montrer ce que vaut une fille de Galice. Alerta. Dia est de alerta. Dia de plena vigilancia en plena guerra. Todo día del año. Ay del dormido. Alerte. Jour d'alerte. Jour de pleine vigilance en pleine guerre tous les jours de l'année. Malheur à celui qui dort. Vos papiers, madame, s'il vous plaît. Tiens, voilà mes papiers, petit nasillon. Vous, là-bas. Eh vos oui, papiers, s'il vous plaît. Je suis étrangère, mais ils sont en règle. Cherche. Tu ne trouveras rien à redire. Tu ne sauras pas que j'ai peur. Là, vois-tu, je suis Martha, l'impassible, dans la pièce de mon amoureux. Attention à toi, je tue les hommes. C'est fini? Alors un petit sourire en guise de remerciement. Récupérer mes papiers, m'éloigner suffisamment et pouvoir enfin me retourner. Oh, mon beau prince exilé, mon vivant. De voir les mains en l'air, palper, interroger. Oh, que le ciel fasse que jamais tu ne sois torturé devant moi. Je t'aime trop, je dirai tout. Oh, merci, il le laisse passer. Ça va? Oui, j'ai joué l'innocente à la perfection. J'ai eu si peur qu'il se décide à te fouiller. D'ailleurs, où as-tu caché l'entête? Eh bien, dis-le-moi. On dirait que tu as honte. C'est que je l'ai mangé. Les ordres de Hitler sont clairs. Il exige que les forces d'occupation de la capitale soient prêtes à détruire tous les ponts et monuments, à réprimer toute éventuelle résistance. Il faut bloquer l'avancée des Alliés par tous les moyens. Des convois de Juifs quittent encore Drancy pour Auschwitz. Et la vie parisienne continue. L'orchestre philharmonique de Berlin se produit à l'Opéra de Paris devant un parterre d'officiers de la Wehrmacht. Le théâtre se porte bien lui aussi. Le 24 juin 1944 est donnée la générale du malentendu. Attention au rideau, vous le laissez se refermer complètement. Alors, quel effet ça fait d'être applaudi sur une scène parisienne? C'est grisant. Mais tu ne trouves pas? Ils applaudissent moins qu'à la première du huis clos de Sartre la semaine dernière. Sartre a sa claque et on s'en moque. Reste là, ils vont à nouveau ouvrir les rideaux. Avance. Il faut prendre la lumière de la rampe. Tu étais superbe. J'adore tout de toi. Ce cri que tu pousses au troisième acte, cette force sourde que tu donnes à ta voix sur le plateau. Sourire. C'est à Martha qu'ils applaudissent, pas moi. C'est un beau rôle, mais le seul créateur, le maître absolu, le seigneur, c'est toi, c'est l'auteur. Les critiques seront bonnes pour toi. Attends, ne pars pas. Il y aura peut-être un autre rappel. Tu crois? On dirait que ça s'arrête. Mais non. Laisse-les t'applaudir. Demain, ce sera une autre chanson dans la presse collabo. Pourquoi? Ils te soupçonnent de participer à la résistance, non? Ils ne te feront pas de cadeau. Dernier salut cette fois, je le sens. Maintenant, il faut fêter cette première. Allons danser des passos dobles. Passos dobles. Passos dobles. Toute la nuit. Toda la noche. Bravo. Ouais, bravo. Hein. Le 28 juin 1944, des résistants déguisés en miliciens assassinent Philippe Henriot, ministre de Vichy, propagandiste à la solde des nazis. La milice se venge en éliminant des personnalités juives déjà emprisonnées, comme Georges Mandel et Jean Zay. Les journaux collaborationnistes tentent d'effrayer la population. Pour eux, les terroristes de la résistance vont livrer la France aux bolcheviques. Au Mathurin, les représentations s'enchaînent. Ma loge. Attends, attends, ne force pas. Regarde, si tu appuies régulièrement, la porte s'aide peu à peu et l'obstacle aussi. Je t'aide. Oui, pousse. Pousse-toi aussi, mais lentement. Voilà. Tu devrais pouvoir te glisser. Alors, qu'est-ce qui bloquait? Oula! Une corbeille de fleurs colossale. Son anse monte jusqu'au plafond. Vas-y, entre. Eh bien, ton admirateur n'y a pas été de main morte. Toute la livraison florale des Halles d'aujourd'hui. Tiens, il y a une enveloppe. Oh. Ton admirateur a joint une photo à son billet doux. Regarde. Oh merde. Pardon. Ça doit être un officier, il a plein de décorations. Il est surtout très blond et très allemand. Que dit-il dans sa lettre? Il a vu toutes les représentations du malentendu, son admiration pour moi est sans borne, et il souhaite me rencontrer. Je suis foutue. Mais non, tu vas... Je vais quoi? Si je n'y vais pas, il va me causer des ennuis. Les visites à la commandante Tour pour mes papiers se sont toujours bien passées, mais si... Oh Albert, que puis-je faire? Si j'y vais, il ne me lâchera plus. Quelle horreur! Allons, calme-toi. Me calmer alors qu'un nazi veut me traîner dans son lit? Et nous n'en sommes pas là. Tu trouves? Regarde ce bouquet de volubilis. C'est un cheval de Troie. C'est un tank qui me met en joue. Ils vont nous déporter, ma mère et moi, si je refuse. Il faut fuir. Attends, attends, doucement. Mais si, je te dis. J'ai fait 1000 fois ce cauchemar où je suis prise au piège. On va trouver une solution. Quelle solution? Rentrer en Espagne et jouer devant Franco? Jamais. Allons, assieds-toi et réfléchissons. Je ne peux pas. Regarde cette lettre. Elle ne me laisse aucune échappatoire. Il a même mis son numéro de téléphone. Il veut que ça aille vite. D'ailleurs, c'est ça. Faisons vite, tranchons dans le vif. Qu'est-ce que tu fais? Je l'appelle. Mademoiselle, passez-moi Opéra 4250. Merci. Je préfère en avoir le cœur net tout de suite. Allô? Bonsoir, ici Maria Cazares. Pourrais-je parler à l'Optman Maximil? Oui, c'est moi. Non, vous parlez très bien français. Merci infiniment pour les fleurs, je suis très touchée. Depuis la première? Alors vous êtes le spectateur le plus assidu. Optman, si je vous appelle, c'est aussi pour éclaircir la situation. Je pense que vous conviendrez que, dans ces moments que nous vivons, il m'est impossible, à moi, réfugié en France occupée, de me lier à vous, même le temps d'une simple rencontre, sans trahir les lois les plus élémentaires de l'hospitalité. Bien sûr, mais je comprends très bien, et je n'y vois ni audace, ni indiscrétion. Évidemment, dans d'autres circonstances... Oui, bonne nuit. Merci, moi aussi. Tu es couverte de taches rouges. Regarde comme je tremble. Viens là. J'ai eu si peur. C'est fini. Pour Maria Cazares, le danger ce soir semble écarté. Mais pour Albert Camus, les événements vont prendre une mauvaise tournure. La Gestapo a découvert l'une des imprimeries clandestines de combat. Les résistants présents ont été arrêtés. Ils pourraient parler sous la torture. J'ai mis un temps fou à te retrouver. Pourquoi te caches-tu dans cet appartement? Le réseau a été dénoncé. Ils ont arrêté la secrétaire de combat. Je vais devoir partir. Partir? Mais où? Pas très loin. Juste hors de Paris. Tu pars seul? Non, avec les neveux Gallimard. À bicyclette. On prendra le train à l'extérieur de Paris. J'aimerais venir avec toi, mais je ne peux pas. Les représentations, le tournage des Enfants du Paradis qui a repris, les enregistrements radio... Tu essaieras de venir les jours de relâche? Oui, oui. Je ne pourrais pas rester longtemps sans te voir. Je t'aime trop. Prends-moi dans tes bras. Serre, serre fort. Je t'aime par-delà tout ce qui est raisonnable... et par-delà tout ce qui est en dehors ou au-delà de la raison. Alors tu trouveras le moyen de venir nous rejoindre. Le temps nous est compté. Les alliés ne sont plus très loin. Et si les Allemands bloquent Paris? Si les alliés l'assiègent, comment te retrouver? Je pars un mois, peut-être moins. Il faudra que tu viennes. Je viendrai. Il le faut. Qu'est-ce que je ferai maintenant sans ton beau visage où tout me bouleverse? sans cette voix et sans ce corps qui doit être tout contre le mien. Serre-moi encore et ne me lâche pas. Après un long périple à vélo, en train et à pied, Albert Camus trouve refuge à Verdelot, un village de Seine-et-Marne à une soixantaine de kilomètres de Paris. Il a l'impression d'avoir mal quitté Maria, de l'avoir laissée sous un ciel si plein de dangers, et il le supporte mal. Son seul espoir est qu'elle le rejoigne. Mais Maria ne parvient pas à se libérer de ses obligations. Elle écrit, raconte tout de sa vie parisienne, mais ce tout fait souffrir Albert. Elle doit venir un jeudi, et toutes les lettres d'Albert l'appellent. Mais le jeudi passe, et Maria n'arrive pas. Maria, en ne venant pas, tu laisses la voie libre au démon qui me dévore. Je me retrouve à terre. S'il ne restait l'espoir de te voir bientôt grâce à l'avancée des alliés, je crois que... Maria, pourquoi m'abandonner ? Le 19 août 1944, l'insurrection de Paris débute. Camus peut alors revenir dans la capitale pour préparer le premier numéro de combat de la libération et prendre part à l'euphorie de ce moment historique. Ensemble, Albert et Maria vivent ces heures intensément, mais les communications avec l'Algérie vont bientôt être rétablies et Francine Camus pourra enfin rejoindre son mari. Tu crois que les chars là-bas sur l'avenue, ce sont les nôtres ? Oui, l'armée de Leclerc sans doute. Mais ne te penche pas comme ça. Il y a encore des combats. Ferme cette fenêtre et regarde-moi. Une balle perdue ferait une conclusion très romanesque, non ? Arrête ! Rentre ! Je m'en tiens à ce que nous avions convenu. Arrête. Je te quitte, Albert. Maria, abandonne ce renoncement illusoire. Je veux que tu restes avec moi. Notre amour n'est pas épuisé. Il veut encore vivre. Il vivra. En moi, en toi, mais plus au grand jour. Je sais qu'il me suffirait de prononcer quelques mots pour tout changer. Mais ces mots, je ne les prononcerai pas. Ce serait lâche. Tu sais, il y a une réplique dans le malentendu qui me transperce l'âme chaque fois que je la dis. Laquelle ? L'amour des hommes est un déchirement. Ils ne peuvent se retenir de quitter ce qu'ils préfèrent. Dans quelques mois, tu m'auras oublié. Moi, non. Toi, tu veux continuer à m'aimer avec un cœur tordu. Moi, je voulais t'aimer dans la joie et l'emportement, sans remords. Alors c'est fini ? Oui, il faut trancher là. Nous aurons eu un merveilleux printemps et un bel été, mais c'est fini. Au revoir, Albert. Au revoir, mon unique. N'oublie pas d'être grande. En septembre 1945, Francine Camus donne naissance à des jumeaux, Catherine et Jean. Albert achève son roman « La peste ». Il écrit toujours dans Combat, où il signe des éditoriaux à grand retentissement, comme celui contre l'usage de la bombe atomique quelques jours après Hiroshima. Quant à Maria Cazares, elle poursuit sa carrière avec succès. Ils évitent de se retrouver seul à seul. Mais un jour de juin 1948, par hasard, sur le boulevard Saint-Germain. Maria ? Bonjour, Albert. Comme tu es belle. Tes cheveux noirs lâchés comme je les aime. C'est étrange de se croiser aujourd'hui. Pourquoi ? Il y a 4 ans, jour pour jour, c'était le débarquement et nous avions... Heureux hasard. Peut-être devrions-nous fêter ça ? Fêter ça ? Fêter un amour mort ? La mort de l'amour-orgueil. Nous étions trop jeunes, trop dispersés. Avoue-le, cet amour nous a permis de devenir de meilleures personnes. Je l'avoue. Je suis même prête à tout avouer. Comme quoi ? Que l'amour est toujours là et que je pourrais tout lâcher pour revenir à toi. Ce serait comme un amour-don. Le don de moi, de toi, entièrement. Mais ce serait encore un amour déchiré par mes obligations. Je saurais faire avec. Alors viens. Viens, mon éternel exilé. Rien ne pourra plus nous séparer. Tais-toi. Ne défie pas la muerte. Elle seule saura nous séparer. Mmh. Camus, Cazares, 1944, Prélude à l'amour de Jean-Benoît Patricot, avec Maria Cazares, Aline Lebert et Albert Camus, Bruno Pavio, et les voix d'Edith Baldi, Belaïd Boudelal, Johan Proust et Amandine Rousseau. Bruitage Elodie Fiat, prise de son montage et mixage Cédric Chatelus et Antoine Vieussa, assistante à la réalisation Léa Racine, réalisation Sophie Haute-Picon. On poursuit dans quelques minutes la discussion sur Albert Camus et Maria Cazares avec mon invité Alban Cerisier. Autant en emporte l'histoire sur France Inter. Tu me déchires, tu me répares, tu m'opères. À cœur ouvert. Tu me déportes, tu me grands larges, je te détache, tu me dérives. Oh, tu m'as encore. Oh, tu me tues. Assassine de la nuit. Assassine de la nuit. Je t'espionne, tu me soupçonnes, je t'alarme, tu me cambrioles. Je te vise, tu me cibles, je me rends, tu me descends. Assassine de la nuit, assassine de la nuit, assassine de la nuit. Assassine de la nuit. Oh, oh. Arthur H., Assassine de la nuit sur France Inter, autant n'emporte l'histoire. La réalisation Juliette Gou, assistée d'Emmanuel Fournier, programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Pauline Laverdure. Alban Cerisier, donc nous avons quitté Albert Camus et Maria Cazares sur un trottoir du boulevard Saint-Germain, tellement romantique, le 6 juin 1948. Ils se retrouvaient donc après 4 ans de séparation et ils n'allaient plus se quitter donc jusqu'à la mort de Camus en 1960. Alors je vous propose d'abord, si vous voulez bien, d'écouter leur voix parlant l'un de l'autre. Albert Camus d'abord, qui s'exprime ici en 1944. J'ai reçu à l'occasion de cette pièce la joie la plus grande qu'un auteur puisse recevoir. Celle d'entendre porter son propre langage par la voix et l'âme d'une merveilleuse actrice à la résonance exacte qu'on lui avait rêvée. Cette joie que je dois à Maria Cazares me suffit tout à fait. Et puis Maria Cazares, donc bien des années plus tard, en 1980, parlant d'Albert Camus. Il m'a été toujours difficile de parler de Camus. Devant lui, je crois que chacun était libéré de beaucoup de scories. On avait l'impression, quand il arrivait, comme quand le médecin arrive, vous savez, et les gens se sentent tout d'un coup mieux. Et il avait ce don, ou cette espèce de sympathie, ou cette espèce d'accord, qui faisait que chacun de nous, se retrouvant face à lui, on était quand même tenté d'aller vers le meilleur de soi, en tout cas vers le plus vrai, vers cette espèce de noyau où on se sent le plus entier possible, en même temps entier avec le monde. C'est beau ces paroles. D'abord, donc Camus, parlons avec évidemment plus de discrétion de Maria Cazares en 44, c'est une autre époque, et évidemment Maria Cazares en 80. Ouais, c'est émouvant déjà, s'agissant de Camus, puisque finalement il lui donne ce rôle, le rôle de Martha en fait, hein, dans le malentendu, qui est un peu au fond l'opposé de leur amour, parce que le personnage de Martha, c'est le personnage précisément qui auquel l'amour n'est pas accessible. Voilà, et donc qui rêve à la place d'aimer, qui rêve à un ailleurs, à une transcendance. Mmh. Et le sens de cette relation amoureuse, en tout cas le sens, je pense qu'ils ont cherché à lui donner l'un et l'autre, c'est précisément d'aimer absolument, d'aimer totalement pour ne rêver à rien d'autre. Même si, effectivement, il y a eu d'autres amours. Oui, Camus en a eu d'autres, et elle aussi, d'ailleurs. Chez l'un et l'autre, oui. Et d'ailleurs, au moment même de cette relation, de la part de Camus. Voilà, mais il y a aussi une quand même quelque chose d'extraordinairement fidèle dans cette affaire-là et de résolu, quoi. Vraiment. Un amour sensuel et puis aussi une dimension artistique, intellectuelle, assez claire. C'est sûr. Et un peu filiale aussi. Enfin, évidemment, lui était un petit peu plus âgé qu'elle, mais en même temps, elle disait, il est pour moi un père, un fils aussi, enfin, un mari, un amant, ami. Enfin, il était un peu tout. Il y a pour ça, elle. Parce que bon, Maria a quand même, voilà, perdu sa maman et son papa. Donc, c'est vrai que Camus a eu ce rôle, effectivement. Puis, Maria, elle travaillait tout le temps, tout le temps. Elle était sans arrêt à la radio. Oui. Elle enregistrait, ses fictions, voilà, si. Et puis, les grandes pièces, le grand répertoire, pour la radio, avant tout. Et puis, ensuite, pour la Comédie Française. Et puis, après, pour le TNP. TNP elle était, avec Jean Villard. Les tournées. Enfin, c'était une femme complètement dans son temps et dans son métier. Mais aussi, cherchant un refuge. Enfin, voilà, il y avait le refuge de son appartement. Puis, le point d'attache absolu qui était Camus à cette époque-là, bien entendu. Alors, sur la période de la guerre, donc on découvre un peu Albert Camus, son activité. Donc, il travaille à Gallimard. Il est aussi rédacteur au journal Combat, qui est alors clandestin. C'est une activité assez dangereuse, même si, bon, il n'est pas encore le grand éditorialiste qu'il sera à la Libération. Enfin, malgré tout, on l'a entendu, c'est dangereux. Il y a des rédacteurs qui se font arrêter, qui sont déportés, certains exécutés. Bien sûr, Camus, c'est un des grands représentants de la résistance intellectuelle française. Alors, il y a Combat, il y a les lettres françaises, tout ça. Joue d'ailleurs beaucoup autour de la NRF, parce que à la NRF, durant ces époques, il y a ce milieu qui est très très présent, en même temps que évidemment la présence de Rieu-La Rochelle, mais les deux coexistent d'une certaine façon, assez étrangement, mais c'est bien le cas. Et Camus est un de ces grands représentants là, donc il y a effectivement une prise de risque importante. Oui, parce que c'est étonnant aussi quand même de voir, enfin, on est sous l'occupation, il y a le débarquement, il y a des déportés, il y a des déportations de juifs, de résistants, enfin on est quand même dans une époque extrêmement dure, et en même temps, donc, il y a ce théâtre qui continue, Camus qui écrit cette pièce, enfin, c'est normal, et en même temps, il y a quelque chose d'un peu étonnant, c'est des pièces qui n'ont pas forcément un sens extrêmement politique non plus. Non, c'est vrai, pour autant, la publication de ces pièces vient très tardivement, voilà, donc il y a une différence effectivement entre le spectacle, lui-même. Qui reçoit la censure, l'acceptation de la censure allemande. De même que l'édition, du reste, est totalement censurée à cette époque-là. Elle est alors avec des régimes un peu particuliers. Mais il n'y a aucune renonciation de la part de ces auteurs-là à écrire, créer, publier. Alors, il y en a quelques-uns qui ont renoncé. Le grand ami d'Albert Camus après-guerre, René Char, voilà, n'a pas publié. Il a écrit, bien entendu, il n'a pas publié pendant cette période-là. Voilà, donc il y a cette vie artistique qui est présente et au sein de laquelle Maria construit son personnage d'actrice, enfin totalement, c'est de cinéma comme de théâtre, du reste. La libération de Paris a dû être une période euphorique pour les deux, là. Oui. Et en même temps, c'était le signe de leur séparation. Oui, enfin, je dirais que ça a été un moment d'euphorie artistique aussi pour Maria. C'est le grand moment de sa carrière cinématographique. Et Camus, on voit que lui, il s'inscrit totalement, je parle en termes de démarche intellectuelle, dans la question de la reconstruction, la refondation. Dans quelle mesure peut-on encore rendre cette terre à peu près habitable? C'est toute la question. Et ça ouvre un moment extrêmement important pour Camus l'écrivain, qui est celui du second cycle. Le cycle de la révolte, c'est après l'absurde, vient le temps de la révolte. Et c'est du reste autour de cette question-là que s'articuleront les débats que vous évoquiez en début d'émission avec Jean-Paul Sartre. Donc Albert Camus et Maria Cazares renouent leur idylle en juin 1948. Oui. Leur liaison avait donc été clandestine, comme l'était la résistance de Camus. Mais dans la guerre, il y a eu une espèce d'urgence de vivre. Il y a quelque chose d'un peu de... comme beaucoup de résistants, il faut profiter de la vie tant qu'elle est là. Ouais. Mais après, ça... Je ne pense pas que ce soit une doctrine chez Camus. Ça l'est peut-être chez Beauvoir et chez Sartre. Ça ne l'est pas chez Camus. Mais ce que je veux dire, c'est est-ce que leur relation a changé justement? En quoi elle a changé après? En quoi était-elle différente après 1948? On peut le deviner. Déjà, il y a la présence de la famille Camus à Paris qui change complètement la donne. L'épouse et les deux enfants, Jean et Catherine. Voilà. Donc effectivement, la circonstance ne peut pas être la même. Et c'est cette nouvelle circonstance que Maria finit par accepter d'une certaine façon. Il y a aussi quelque chose, c'est que à partir du moment où cette relation s'étend dans la durée, elle se soumet aux intermittences de Camus qui est essentiellement lié à son état de santé. Il est tuberculeux. Il est tuberculeux. Il passe son temps. Il passe beaucoup de son temps en cure. Voilà, il voyage sud, aussi. Il voyage aussi. Elle aussi, d'ailleurs, elle fait des tournées. Oui. Alors c'est pas des très bons moments pour l'un comme pour l'autre, hein, assurément. Voilà. Donc cet amour-là est tendu par ces moments d'absence. Et puis Camus a besoin d'être seul pour écrire aussi. Et donc du coup, cet amour-là est mis à l'épreuve. Et d'une certaine façon, le très grand nombre de lettres et leur longueur, etc., témoignent aussi de ce travail-là de l'amour, quoi. Et avec cette obligation qu'on se donne toujours d'aimer absolument. Voilà, vous parliez de Sartre et de Beauvoir. Oui. On se souvient qu'ils avaient une sorte de pacte entre eux. Ils avaient théorisé un fonctionnement amoureux. Il y avait leur amour nécessaire et des amours contingentes. Évidemment, Camus n'est pas dans ce genre de théorisation. Alors vraiment, saluer, je pense, je veux dire, c'est un homme qui aimait extraordinairement jouir de la vie. Et dans cette jouissance de la vie, il y avait évidemment son rapport aux femmes. Voilà, il y a un côté un peu don Juan. Il y a du don juanisme chez le Camus d'avant-guerre et d'après-guerre. Mais alors, il y a rien qui se théorise. Vraiment. Là, on est vraiment à l'opposé de cette démarche-là, je pense, sincèrement. Oui. Sa femme, ça n'a pas dû toujours être facile très, pour très elle. Très difficile pour sa femme. Qui a fait des tentatives de suicide, oui, je crois. Oui, voilà. Puis c'était compliqué, effectivement, pour elle. Et c'était aussi compliqué pour Camus, parce que je pense que Camus lui a été toujours, au fond, fidèle. Je veux dire, il ne l'a jamais laissé. Il ne l'a jamais laissé, Francine. Et d'ailleurs, Catherine Camus, leur fille, en parle très très bien. Francine n'a jamais dit à Catherine que leur amour avait été un échec, d'une certaine façon. Voilà. Oui, Catherine disait que son père avait des maîtresses, mais c'était des femmes bien. Oui, c'est sûr. Ça s'en sent bien à Catherine, de le dire. Albert Camus, donc, meurt en 1960. Maria Cazares, en 1996, donc bien plus tard, après une vie vouée au théâtre. Merci beaucoup, Alban Cerise. Merci à vous. À lire bien sûr la biographie d'Albert Camus par Olivier Todd chez Gallimard et la correspondance d'Albert Camus et Maria Cazares qui est donc sortie en novembre dernier chez Gallimard. Autant n'importe l'histoire est terminée pour ce soir. Vous pouvez réécouter ou podcaster cette émission sur le site franceinter.fr où j'attends vos commentaires, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Dimanche prochain, nous partirons aux États-Unis dans les années 40 à la rencontre d'une femme étonnante, Hedy Lamarr, la comédienne de Hollywood réputée pour sa beauté pulpeuse, mais on l'oublie aussi, était aussi une inventrice ou une inventeuse, comme vous préférez, qui au moment de l'entrée en guerre des États-Unis tenta de proposer à la Marine un système de guidage de torpilles à distance, l'ancêtre de notre GPS. Mon invité sera Bertrand Tavernier. Hedy Lamarr, la plus belle femme du monde, avait aussi un cerveau. C'est dimanche prochain dans Autant n'importe l'histoire, vous riez. Mais dans quelques minutes après le flash, vous avez rendez-vous avec Soro Solo, bien sûr, dans l'Afrique en solo. Très bonne soirée sur France Inter.